néochrome Kalashnikov. Les poches vides sans une tune, chez nous c'est pipi bitume. Un hall qui s'enfume, chez nous c'est pipi bitume. Le placard la pluie, chez nous c'est pipi bitume. Un bonhomme cassule, chez nous c'est pipi bitume. Les styles le flanc, chez nous c'est pipi bitume. L'artiste qui peine plan, chez nous c'est pipi bitume. Les petits ont les gros, chez nous c'est pipi bitume. Chez nous c'est petit mais les gros, chez nous c'est pipi bitume. Fous la merde, fous la merde. On vient pour vous la mettre, fous la mettre. Ça laisse un goût amer, goût amer. À présent tous à terre, tous à terre. J'ai appris que la bêtise tombe toutes les 10 con. Écoute fiche, me fous des coups de pisse. Son, nique le fils, qui se le dise. Ouais, ouais. J'kick le beat avec la rage et cuple le 10. Ouais, ouais. Écorché vif, va torcher vite. Sa force dévite et torse et pite à la manière des bolcheviks. On cherche toujours une dolce vita, toujours efficace. Casse ta puce, ma puce est vitale. J'accuse l'état d'avoir baissé le tiégal. T'es qu'un foutu smicard, une tête de plus à tricard. Ici va Rachnikov, la voix des oubliés. Ouais, yeah. Sors ton glaive et prépare ton bouclier. Garde la tête haute, arrête de tortiller. Casse-toi de là avant de te faire torpiller. À vous que tout y est, yeah. Une fois dégoupillé, yeah. Qu'est-ce qui nous fait bander à part tous tes billets, yeah. Les poches vides sans une tune, chez nous c'est pipi bitume. Un hall qui s'enfume, chez nous c'est pipi bitume. Le placard la pluie, chez nous c'est pipi bitume. Un bonhomme cassule, chez nous c'est pipi bitume. Les styles le flanc, chez nous c'est pipi bitume. L'artiste qui fait le plan, chez nous c'est pipi bitume. Les petits ont les gros, chez nous c'est pipi bitume. Chez nous c'est petit mais les gros, chez nous c'est pipi bitume. Fous la merde, fous la merde. On vient pour vous la mettre, fous la mettre. Ça laisse un goût amer, goût amer. À présent tous à terre, tous à terre. Rendez le fric à l'Afrique et là on sera qui. Toujours sur un pif, dites-moi demain on sera qui. C'est l'art du canular, du vice dans le disque. Un trait avarice, le charme du risque comme un gosse qui a une arme. On fait ça avec classe, nique les SS. Les victimes qu'on pue la tasse dans le petit bassin. Je me fous du cassette, qui parle de gazelle. On veut tous le classer, la plus belle des gazelles. Je te parle pas d'une sorcière qui planque le bonheur. Les petites garces qui planque le rôneur. N'attends pas que le vice te rende ouf, poste te rembourse. Une fois que le bip rentre en course, qui suit la grande ours. Côté en bourse ou pas, on possède ce que t'as pas. Ce côté bestial qui procède selon la part. J'ai traîné ma semelle sur le bitume, avec cette envie de faire des thunes. J'ai eu la rue pour celle étude. J'ai traîné cette mauvaise habitude de traîner, encréné par solitude et ses aînés. J'ai traîné alors que des fois j'aurais pu m'entraîner. Apprendre à prendre du recul au lieu d'épreuver. Sans une thune, chez nous c'est pipi bitume. Un hall qui s'enfume, chez nous c'est pipi bitume. Le placard la plus, chez nous c'est pipi bitume. Un bonhomme cassule, chez nous c'est pipi bitume. Les styles le flanc, chez nous c'est pipi bitume. L'artiste qui fait le plan, chez nous c'est pipi bitume. Les petits ont les gros, chez nous c'est pipi bitume. Chez nous c'est petit mais les gros, chez nous c'est pipi bitume. Fonctionne à l'instinct, néochrome, chez nous c'est pipi bitume.